Si, ça y est, c'est bien. Non, non, c'est pas écrit. Recommence, parce que j'étais avec la souris. C'est bon, c'est mon charrière. Efface. Ah, cool! Tu nous entends? Ça tourne le son en version. Pourquoi? Il nous entend parler, là? Oui, bien sûr, en audio, parce Merde! que. Bah merde, ah bah ça y est, tout a fait la gueule. Léna, c'est jamais content. Coucou, mon petit caillou! Oui, je crois, alors faut que je modifie C'est mon petit gendre! les propriétés de l'input. C'est mort de rire. Attends, je regarde, c'est peut-être trop Ouais, me fort. draguer ma fille, hein. Non mais oh! Attends, je regarde, chut, ne crie pas. Je crie pas, c'est haut! C'est fort! Je regarde le volume. Il veut pas plus! Attends. Non, parce qu'il y a un emploi. C'est déjà mieux. Là, ça doit être moins fort, là. Ouais, Non, il y a... là, c'est plus fort, là. Non. T'as plus de retour, la caillou, c'est mieux. C'est mieux, là? Ouais. Je pense que là, c'est nettement mieux, là. Quand ça répond. Coucou! Ouais, Ah, bah, tu ok, vois, Titi, il est super. pas bête, c'est un ancien ingénieur du coup. Ouais. Tu vois, nous, on n'a pas de retour, là, c'est fini. D'accord. Ah oui, bah super, on a l'air tranquille. Parce qu'on n'est pas sur le même PC là, il n'est pas branché avec tous les bordels, donc voilà pourquoi c'était le bordel, on n'entendait pas Sur tout un à l'heure, PC on est drôle virtuel. paramétré, mais sur un PC portable. Là, c'est bon. Voilà, Alors, vas-y, fais vas-y. péter ton truc là, Envoie qu'on ton écoute. truc, qu'on mette du son. Par contre, il faudrait que tu mettes un chiffre, toi. Je sais pas s'il y a des soucis. Ah ouais, t'es à fond là. Ouais, c'est parti pour ça. Ouais, c'était important, donc on a parlé au parleur, on a parlé du bordel. D'accord. Parle. 1, 2, 3, 4, 1, 1. Je Ok. passe par beaucoup, Là. c'est cool ton petit truc là. Ouais, c'est sympa ça. C'est ta nouvelle compo?